Après le deck hockey, un autre projet intéressant voit le jour à Saint-Prime, c'est un golf intérieur. Question de savoir un peu à qui ça s'adresse cette clientèle-là. Qu'est-ce qu'on entend faire? Bon, et l'investissement, on parle avec Louis Lapierre, propriétaire de ce nouveau club de golf intérieur. Salut Louis! Bonjour. Louis, d'abord, comment ça a commencé ce projet-là? Ça a commencé, moi et mon frère, on a eu l'idée de s'acheter un simulateur pour jouer au golf l'hiver. OK. Puis, on s'en a acheté un qui était une version quand même plus ancienne, qui était pas, c'était pas à jour. Fait que, on s'en a acheté un nouveau, que lui est à fine pointe de technologie. Puis, c'est fait, ces simulateurs-là sont faits à Saint-Georges-de-Beau, dans une compagnie qui s'appelle Volpiette. Okay. Puis, c'est vraiment à fine pointe de technologie. C'est un investissement de combien? Les machines valent entre 30 et 40 000 $. OK, OK. Puis ça permet, j'imagine, à quoi? Ça permet à jouer au golf. Est-ce que c'est vraiment proche de la réalité qu'on pourrait dire? C'est très proche de la réalité. En fait, c'est deux technologies qui s'appellent TrueTrack. OK. Ça, c'est... cette technologie-là, ça capte en fait le bâton, puis c'est un système sonore. Okay. Alors, le bâton, lui, il a dans le fond, il y a la trajectoire du bâton, l'angle du bâton à l'impact, la vitesse du bâton. Après ça, les autres données, c'est la balle qu'il donne. Il y a la distance parcourue, la vitesse de la balle, la rotation de la balle, l'angle du décollage. Alors, ça, c'est toute une multitude de données qui sont calculées. Puis, on se rapproche de la réalité très, très près. Il y a juste un terrain, je veux dire. Il peut y avoir plusieurs terrains, parce que ça, on sait que chaque terrain a ses particularités de golf. J'imagine que, étant donné que c'est un simulateur, il peut y avoir plusieurs terrains. Oui, effectivement. Je possède environ 32 terrains officiels de la PGA, dans le fond. Okay. Oh, monsieur, c'est les mêmes terrains. C'est les mêmes terrains qui sont sur le circuit de la PGA. Fait qu'on joue soit Pebble Beach, on peut jouer aussi Pinehurst, tous des terrains qui sont sur la PGA. Puis il y a une disponibilité d'environ 60 terrains. OK. 60 terrains. Donc c'est les plus graves, autrement dit. Il faut être vraiment un maniaque de golf. Vous, qu'est-ce que vous entendez faire? C'est sûr que c'est une partie un jeu, mais j'imagine qu'il y a une partie à faire. C'est quoi votre projet là-dessus? Est-ce que c'est vraiment de courtiser les amateurs de golf qui ont pas la chance d'aller jouer au golf l'hiver dans les pays chauds et les faire continuer à jouer durant l'hiver? C'est quoi, en fait, votre projet là-dedans? En fait, nous, on est allé visiter parce que dans les grands centres comme Québec, Montréal, ça existe. Ouais. Il y en a. C'est sûr que le bassin de population est quand même grand. Puis il y a des places qui ont 10, 12 écrans. Okay. Fait que ici, c'est pratiquement impossible de mettre ça aussi gros que ça, dû à la population. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va l'ouvrir. Parce qu'au début, c'était juste, on l'a depuis l'an passé, on l'avait juste ouvert à des amis, en fait, des membres qui étaient rentrés puis qui venaient jouer. Puis on a décidé cette année de l'ouvrir parce que c'est quand même une machine qui est intéressante à jouer. Puis on a décidé de l'ouvrir au public. Puis en fait, toutes les âges peuvent jouer sur la machine parce qu'il y a des départs, c'est comme au vrai golf. Il y a des départs rouges qui sont les départs pour les femmes, il y a les départs jaunes qui sont pour les juniors, les départs... amateurs qui sont les départs blancs, départs bleus pour les gens plus avancés, les départs noirs qui sont pour les personnes qui ont un handicap de zéro, en fait. Okay. Alors ça a pas mal tout le monde. Ça peut pour un gars qui veut améliorer ses techniques de golf au vrai golf l'été, est-ce que ça peut être intéressant aussi? Oui, parce que comme je vous expliquais tantôt, le capteur, lui, capte la donnée l'angle du bâton, à quelle angle qui passe. Alors, on voit si on rentre avec un fer qui est fermé, on rentre avec un fer qui est ouvert, fait que ça aide beaucoup notre golf pour corriger ces petites affaires-là qu'on voit pas nécessairement sur le terrain. OK, OK. Combien jusqu'à maintenant qu'il y a d'adeptes qui actuellement, là, j'imagine, parce que je sais qu'il y en a plusieurs dans le coin de Saint-Prime, le club a à peu près une centaine de membres. Est-ce qu'il y a des amateurs de golf qu'on voit au club de golf de Saint-Prime qui se sont inscrits pour l'hiver? J'imagine que oui, hein? Oui, la majorité de mes membres présentement sont tous des membres au club de golf Saint-Prime okay. que je connais. Puis C'est eux autres, ils ont embarqué tout de suite dans mon projet. Je les avais approchés, moi, premièrement, pour voir si ça valait la peine, parce que on n'achète pas une machine de ce prix-là en sachant qu'on s'en va à nulle part, en fait. Fait que j'avais approché ces gens-là, puis ils ont embarqué tout de suite avec nous autres, puis j'en ai environ, pour le moment, j'ai environ 18 membres. Okay. Moi, je veux monter ça un petit peu plus, mais il faut pas non plus, parce que les heures, c'est sûr que rien qu'une machine, là, les heures sont faut l'ouvrir quand même quand t'es membre le plus souvent possible. OK. Donc là, j'imagine que c'est ouvert le soir, c'est ça? Exactement. C'est sur réservation. Pour ceux qui ne sont pas membres, c'est sur réservation. Moi, on vous m'appelez, puis on set une date, puis on s'installe. En fait, c'est des blocs de 4 heures. Okay. En 4 heures, 4 personnes, on a le temps en masse pour jouer un 18 trous. Ouais. Puis, ça va plus vite que du vrai golf. Par contre, une partie de golf, c'est quoi? C'est 6 heures, un 18, 6, 7 heures? Non, c'est une vraie partie de golf. C'est entre 4 heures et 4 heures 30. Fait que c'est pas mal le même temps. OK. Puis c'est les mêmes sensations. Là, les fêtes s'en viennent. J'imagine que vous avez quand même quelques réservations. Oui, ça a été une grosse semaine avec l'ouverture de la page Facebook. Ben oui. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de demandes. C'est le mois de décembre s'en vient pas mal booké pour les fins de semaine de décembre. Il me reste des dimanches, là, le monde, c'était surtout le samedi. J'ai encore des dimanches disponibles. OK. Ben, belle initiative, encore une fois. Après, le deck hockey Saint-Prix qui a connu un départ fulgurant, on peut penser que ça pourrait être intéressant dans la mesure que c'est possible pour le golf intérieur. Louis Lapierre, gros merci, puis on s'en reparle un autre tantôt. Parfait, merci, M. Veilleux. Louis Lapierre, qui est le responsable du club de golf intérieur de Saint-Prix.